capitalisation, l'entreprise, ce sont les trois piliers de la retraite du futur. Les moyens, la motivation, c'est bien ce qui est nécessaire pour enrayer la fatalité et l'échec scolaire. C'est le sujet de l'année en France.